réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Comment, 6 heures? Bonjour tout le monde, nous sommes le mardi 29 mars 2016 et si vous nous rejoignez, merci de commencer votre journée avec un autre jour est possible. Au programme, des femmes fondues au noir, notre série de la semaine avec la spécialiste des polars, Hélène Amalric. Dans un instant, le deuxième épisode. Suspense, une affaire de femmes. Et en deuxième partie, le critique d'art et commissaire d'exposition, Philippe Piguet, viendra nous parler du Salon du dessin contemporain qui s'ouvre demain à Paris, au Carreau du Temple, et c'est la 10e édition cette année. Des femmes fondues au noir par Hélène Amalric, 40 ans au service du roman policier. En tant qu'auteur, éditrice et traductrice. Deuxième épisode aujourd'hui. Bonjour Hélène Amalric. Bonjour. Et aujourd'hui, suspense, c'est un genre du roman policier et pour vous, c'est une affaire de femmes. Oui, historiquement, je veux dire, alors le suspense, qu'est-ce que c'est, entre guillemets, à l'intérieur de tous les genres du roman criminel? Ça se caractérise, disons, par autant le roman d'énigmes est on part d'un point central, la victime qui a tué, et on va vers les suspects, et puis il y a une boucle qui se referme sur la victime qui l'a tué. Le suspense, c'est un mouvement qui va d'un point à un autre, qui a une espèce d'une sorte de course. Alors ça peut être une machination, ça peut être, mais c'est un personnage pris, c'est le danger. Il y a la présence du danger, de l'angoisse et d'une situation dont on ne sait pas très bien où elle va. Et alors peut-être que les femmes ont, c'est la peur plus que beaucoup d'autres sous-genres du polar. C'est peut-être pour ça qu'il y a pas mal de femmes qui connaissent la peur et qui ont donc écrit là-dessus. Ça naît un peu du, il y a une sous-branche du polar qui s'appelle le Had I But Known, qui est une sorte d'artifice qui a été beaucoup utilisé dans les années 30, notamment essentiellement par des femmes, où vous avez une héroïne plongée dans à qui il arrive des tas de choses terribles, et à la fin de chaque chapitre, c'est si j'avais su à ce moment-là que je ne savais pas encore, je n'aurais pas évidemment agi comme, etc. Bon. Et c'est à la limite du roman sentimental, bien souvent, de la romance. Et le suspense, il va naître de là, avec une espèce de, une sorte de on a toujours des personnages de femmes, je dirais, par rapport à ce qui va se passer ensuite, des femmes passives. C'est-à-dire qu'il leur arrive quelque chose de dangereux, quelque chose d'angoissant, et à partir de là, elles vont agir, elles vont faire quelque chose, elles sont prises dans un mouvement pour échapper à quelque chose qu'en général elles ne connaissent pas. Et c'est vrai que il y a énormément de femmes qui ont œuvré dans ce genre. L'émission s'appelle des femmes fondues au noir, mais très très souvent, enfin je dirais même que l'écrasante majorité des auteurs féminins qui ont écrit des suspens à cette époque-là, des années 30 aux années 60, ont été adaptés au cinéma, ont été notamment par Hitchcock. Vous avez un auteur comme Charlotte Armstrong qui a été adapté par Chabrol, par Hitchcock et par Chabrol. Le Laura de Preminger est adapté du roman de Vera Caspary. On dit toujours Laura, c'est un roman noir, c'est pas un roman noir. Et c'est un personnage, et ça n'est pas un personnage de femme fatale, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ça, c'est l'image qu'on en donne, mais non. Vera, c'est une femme qui est vue en creux par des hommes, mais elle-même est un personnage fort qui agit. Vous avez un auteur, un peu plus tardivement, Margaret Millar, qui est aujourd'hui un peu méconnue, et c'est dommage parce qu'elle a écrit des romans absolument extraordinaires. Le territoire des monstres, traduit par Manchette, Un étranger dans ma tombe, qui sont des histoires de femmes prises qui croulent sous la vie quotidienne. Ça aussi, c'est quelque chose qui est spécifique au suspense. Ce sont des femmes qui sont dans le milieu, ce que les anglo-saxons appellent domestique, c'est-à-dire c'est la cellule familiale, parce qu'encore à cette époque-là, elles sont complètement dans ce rôle, on peut le dire. Et c'est un événement extérieur qui va les obliger à sortir de ça. Alors Margaret Millar, ce sont des personnages de femmes qui se retrouvent dans une situation où elles doivent prendre des décisions qui sont l'objet de manipulation psychologique. Donc ça, c'est, je dirais, c'est à peu près jusqu'aux années 50-60. Et c'est vrai que le suspense est psychologique plus qu'un roman d'action. Et c'est bien souvent un des sujets qui intéresse le plus les femmes. Un auteur comme des auteurs aussi différents que Patricia Highsmith ou Ruth Rendell, toutes les deux des très très importantes dans le roman criminel. Ce qui les intéresse, c'est comment l'homme, au sens être humain, en arrive à basculer dans le crime, ou dans la folie carrément. Et ça, c'est vrai que c'est un ce questionnement, ces questions-là, ce sont les femmes qui l'ont le plus utilisé. Vous avez, dans les années 50-60, énormément d'auteurs, femmes qui écrivent des suspenses, qui prennent pour arrière-plan la psychanalyse ou la psychiatrie. Il y a souvent des ambiances qui sont des ambiances très oniriques, très feutrées. Encore une fois, on en revient à la cellule familiale, la cellule de la maison, du mari, du couple. Voilà. Mais ces auteurs comme on dit, même si c'est pas très joli, est-ce qu'elles utilisent forcément des femmes comme héroïnes, qu'elles soient victimes ou pas ? Très souvent, je dirais en grande majorité, en tout cas quand à peu près, oui, jusqu'aux années 60-70, ce sont en grande majorité des héroïnes, parce qu'il y a encore une fois cette notion de danger et d'angoisse. L'angoisse, elle est féminine plutôt que masculine. Oh, pourquoi ? Non, c'est la société. Je dis que c'est... Vous le dites avec un petit sourire, Hélène Amalric. Oui, avec un grand sourire même. Parce que ce sont les femmes qui sont des victimes. Donc, vous avez, il faut pas oublier qu'en parallèle, entre guillemets, sur ces décennies-là, les auteurs hommes écrivent sur le détective privé. Le détective privé, c'est le dur à cuire, hein, le hard-boiled. C'est un aventurier, c'est l'héritier du héros de western, c'est un solitaire. Il peut être physique s'il le faut. Voilà, exactement. Il monte dans sa voiture, il fait le coup de poing quand c'est pas le coup de feu. Il ne réfléchit pas, entre guillemets, sur ces mécanismes qui poussent à la folie ou au meurtre. Mais ce genre, ou plutôt ce sous-genre, le suspense, il est né tout de suite, il a été vu ainsi, théorisé ainsi, identifié ainsi tout de suite, ou bien c'est avec le recul qu'on se dit, bon, ce genre de roman policier où la psychanalyse joue un rôle très important, on va l'appeler le suspense. Non, alors c'est un mot qu'on a toujours utilisé. On a toujours utilisé le mot thriller, mais qui dans les années 20 ne signifiait absolument pas la même chose qu'aujourd'hui. Ouvrons cette parenthèse. Qu'est-ce qu'il signifiait dans les années 20 Dans les années 20, il signifie le roman d'aventure. Uh-huh. C'est-à-dire qu'un roman d'espionnage, par exemple, c'est un thriller. Vous avez encore assez tardivement dans les années 50-60, puis ensuite la notion entre guillemets change un peu. Aujourd'hui, il y a une sorte de suspense dans cette aventure. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Aujourd'hui, quand on dit un thriller, en fait, on renvoie au suspense plutôt que. Après, la théorisation entre guillemets, elle va venir. Oui, il faut quand même un peu de recul. Bon, alors, je parle le suspense, une affaire de femme. Mais il y a un grand auteur masculin qui est William Irish, ouais. Cornel Woolrich, qu'on considère également comme un des créateurs ou inventeurs du suspense. Mais on ne le théorisera que 20 ou 30 ans plus tard. Alors, puisque vous êtes vraiment spécialiste du polar, mais aussi éditrice, Hélène Amalric, je voulais vous poser comme question le marché, c'est-à-dire du côté des éditeurs, quand ils créent, quand ils publient ces romans écrits par des femmes, ce genre, le suspense, ils veulent s'adresser à un public féminin ou parce qu'ils savent que ça, voilà, le public, le grand public d'une manière générale sera peut-être curieux de voir un point de vue féminin dans ce genre déjà établi, populaire? À l'époque, absolument pas. Très franchement, je ne pense pas de ce que j'en sais, de ce que j'en vois. Non, justement, vous n'avez pas de différence. Un auteur comme Dorothy Bay Hughes, qui écrit « Tuer ma solitude » dans les années 50, qui sera adapté par Nicolas Ray, qui écrit plusieurs romans comme ça. Ces auteurs-là ne sont pas spécifiquement, ne sont pas désignés par le marché, c'est-à-dire par les éditeurs, comme des auteurs féminins. Pas du tout. Pas du tout. Et enfin, deux questions pour terminer cet épisode. Et bien sûr, on vous retrouve demain pour la suite de la série. Première question, depuis quelques années, je vais au festival Quai du Polar à Lyon, vous aussi, Hélène Amalric, et depuis quelques années, je remarque qu'il y a de plus en plus de femmes qui achètent les romans policiers. Est-ce que c'est nouveau? Alors, très franchement, non, ça ne l'est pas. D'abord, pour une raison simple, qui est que ce sont les femmes lisent plus que les hommes. Et bon, je pense que, notamment de la fiction, hein, on parle de fiction. Ça a toujours été comme ça. Suivant les décennies, le mouvement s'est accentué, entre guillemets. On sait, régulièrement, Livre Hebdo en France, font des études sur le lectorat. Les femmes lisent avec la majorité, c'est écrasant, et en polar particulièrement, oui, c'est vrai. Alors, puisque vous parlez beaucoup de cinéma, et je rappelle à Hélène Amalric que le cinéma vous a fait découvrir le polar, puisqu'au départ, si j'ai bien compris, vous vouliez faire du cinéma, c'est bien ça? Tout à fait. Alors, l'idée des exemples d'hommes qui écrivent des polars et qui sont repérés par Hollywood et qui quittent tout pour aller à Los Angeles pour écrire pour l'industrie du cinéma, je peux vous donner plein d'exemples, pas une seule femme. Elles sont devenues scénaristes, je pense. Il y en a beaucoup qui sont devenues scénaristes ou qui ont écrit des scénarios. Justement, je parlais de Dorothy Bay Hughes. Dorothy Bay Hughes a écrit des scénarios. Effectivement, il n'y a pas. On en a un exemple très récent, un peu, c'est Gillian Flynn. Bon, ça, on pourra en parler dans une autre émission de Gillian Flynn. À partir de demain, on va parler de l'évolution des codes et du genre aussi, ou des genres. On va voir ça avec vous demain à la même heure. Merci, Hélène Amalric. À demain. À demain. Savez-vous ce qu'est devenu votre agneau, Clarisse? Il l'a tué. Et il vous arrive encore de temps à autre de vous réveiller en pleine nuit et d'entendre les hurlements des agneaux affolés. Oui. Et vous croyez que si vous sauvez cette pauvre Catherine, ils ne vous réveilleront plus? Vous croyez que si Catherine reste en vie, vous ne vous réveillerez plus la nuit pour écouter les hurlements effroyables des agneaux? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Merci, Clarisse. Merci. Dites-moi son nom, docteur. Docteur Chilton, je présume. Je crois que vous vous connaissez. C'est terminé. On l'a retrouvé. Il est l'heure. C'est votre tour, docteur. Dehors. Dites-moi son nom. Désolé, madame, j'ai ordre de vous mettre dans un avion. Allons, venez. Brave Clarisse. Faites-moi savoir quand ces agneaux ne hurleront plus à vos oreilles. Dites-moi son nom, docteur. Clarisse. Le dossier de l'affaire. Hey. Au revoir, Clarisse. The R.O.D. gets deep on something. It's all for his fault, for his pain on the buttonness. Full of that self-discovery, can't discover me, God alone governs me. I know they don't like the word, but I shall observe and I shall do service. Here in the pulpit, the dub popo, oomps and knows it, the twitch is low. Get to the black, let's get to the facts. The poor don't relax, the poor do funk, it's so clap. Twist and adapt with, turn to Jesus black, cause we believe it's that way. Full of that, know me, spirit can't control me, spirit can't console me, spirit get to know me, spirit get to grow me, spirit now. Un autre jour est possible. Votre réveil culturel, tous les jours, de 6h à 6h30, par Toufik Hakem. Deuxième partie, l'invité du jour. Et mon invité ce matin est Philippe Piguet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes critique d'art et commissaire d'exposition. Vous êtes surtout le directeur artistique du Salon du dessin contemporain, Drawing Now Paris. Yes. Et demain, c'est la 10e édition qui s'ouvre déjà 10 ans. Donc, édition anniversaire. Est-ce qu'on aura les meilleures galeries, les meilleurs dessinateurs du monde? Écoutez, on ne peut que le souhaiter. Les meilleures galeries, les meilleurs dessinateurs du monde, ce serait peut-être un peu ambitieux. En tout cas, de très bonnes galeries et de très bons artistes, ça c'est assuré. Donc, et que ce soit par exemple, alors les dessins de presse, pour l'instant, on n'a pas vraiment eu l'occasion de les recevoir parce que eux-mêmes n'ont pas, ne sont pas inscrits dans le même type d'économie. Il y a aussi une économie qui joue, bien sûr, parce qu'on est une foire. Hein. C'est pas un salon d'artistes, c'est un salon de foire. Donc on rentre dans le contexte d'une économie commerciale qui est le marché de l'art. Et dans ce contexte-là, effectivement, il y a des secteurs du dessin qui ne trouvent pas encore leur place chez nous. Est-ce à dire que vous ne passez que par les galeries ? Ah oui, tout à fait. Oui, c'est un salon de galeries. Nous, on reçoit des candidatures que de galeries. Il nous arrive de recevoir des demandes d'artistes, mais on leur dit qu'il y a erreur d'aiguillage, puisque nous ne sommes pas manifestation qui consacrée aux artistes. Nous sommes d'abord une manifestation consacrée aux galeries qui défendent les artistes. Donc évidemment, on défend les artistes, nous aussi. Bon, est-ce qu'il y a beaucoup de galeries qui se sont spécialisées dans le dessin ? Mais non, pas tant que ça, parce qu'heureusement, ce n'est pas un ghetto. Sinon, ce serait presque peut-être inquiétant. Il y a eu, dans le passé, des galeries spécialisées dans le dessin, parce que justement, le dessin n'était pas encore complètement intégré dans le champ des arts plastiques. C'était encore considéré comme une sorte de vecteur marginal secondaire. Mais depuis maintenant un certain nombre de temps, peut-être plus que 10 ans, plus que les 10 ans du salon, disons peut-être une 20aine d'années, le dessin a vraiment gagné ses lettres de noblesse. Et d'ailleurs, on en veut une preuve très simple, hein, c'est que vous regardez au niveau des institutions, la plupart des musées d'art contemporain ont un cabinet d'art graphique. Avant, ça n'existait pas. Il y a 30 ans, vous n'aviez pas cela. Aujourd'hui, ça l'est vraiment. Et des grands musées, quels qu'ils soient, font aussi des expositions d'art contemporain graphique. Et s'il fallait parler de votre collection personnelle, Philippe Piguet, quels sont les dessins que vous avez achetés, oui, allez. Oh bah écoutez, c'est aimable à vous de parler de cela, mais je vous citerai justement l'artiste que vous avez nommé tout à l'heure, Abdelkader Benchama. Personnellement, c'est un artiste que je connais depuis 5-6 ans, et alors là, à titre complètement personnel, c'est un artiste dont j'adore le travail et que j'accompagne dans son travail, accompagné dans mon statut de critique d'art. C'est-à-dire faire des textes, l'inviter à des expositions, à la limite faire le maximum pour qu'il puisse trouver son économie. Je suis comblé quand c'est comme ça. Mais là, c'est le critique d'art qui vous parle. C'est plus le directeur artistique du Salon du dessin contemporain. Il faut que je fasse la séparation parce que sinon, c'est pas tout à fait agréable pour les autres. Philippe Piguet, est-ce qu'on peut dire que en 10 ans, vous avez vu des évolutions dans le monde du dessin contemporain? Oui, je pense qu'on peut le dire, notamment par rapport au fait que il y a beaucoup plus peut-être d'aventures artistiques, d'aventures plastiques dans la création du dessin contemporain. D'abord parce que il y a des outils qui apparaissent nouveaux, et ça c'est très important. C'est pour ça par exemple que Drawing Now Paris s'ouvre aussi à tout ce qui est le dessin que j'appelle personnellement vidéographique, parce que c'est un dessin qui a son identité propre. Et le travail que font certains artistes par le biais des nouvelles technologies, c'est tout aussi intéressant que le travail que fait Léonard de Vinci avec la pointe d'argent, que fait Rembrandt avec le lévis d'encre, que fait Chardin avec le pastel, ou que fait je ne sais plus encore qui nommer avec le fusain. Alors, demain s'ouvre donc ce salon, 10e édition de ce salon du dessin contemporain, Drawing Now Paris, et je vous ai demandé, Philippe Piguet, de choisir 3 dessins qui seront exposés à partir de demain, dans ce salon du dessin contemporain qui, je vous le rappelle, ouvre ses portes au Carreau du Temple à Paris. Ces 3 dessins, bien sûr, on peut les retrouver à la page de l'émission Notre Jour est Possible sur franceculture.fr. Le premier, eh bien, ce serait par exemple le travail de Grégory Forstner. Grégory Forstner est un artiste français. Il a fait l'école de la Villa Arson à Nice, vous voyez, complètement. Et il est à New York depuis 5-6 ans maintenant. Il a cette double culture, voilà. En fait. Et il est présenté par une jeune galerie qui s'appelle la galerie Mathias Coulot. Et on va y voir notamment une œuvre qui est dans la série des hôtesses de l'air. Donc c'est en fait une figure, hein, on pourrait pas dire un portrait parce que justement cette figure est masquée, cette figure est nantie d'éléments protubérants qui sont assez décalés et un peu troublants. C'est un travail de dessin au fusain qui est remarquable par rapport à la manière d'utiliser ce noir et toutes les capacités que le dessin a de traduire des valeurs. C'est vraiment un alors, travail tout à fait étonnant. Alors, quelles valeurs traduit ce dessin? Justement, eh bien, là, je m'adresse aux critiques d'art. On peut jouer avec le fusain d'une manière très intéressante, soit en effleurant simplement le papier, et on a quelque chose qui est très fragile, très frais, et qui laisse passer la lumière, ou au contraire, on peut boucher le papier, et à la fois, on a une densité, une matière. Donc c'est là où le travail du dessin est tout à fait passionnant. Et Grégory Forstner vraiment l'utilise avec beaucoup de précision pour nous donner toute cette galerie en quelque sorte de figures d'hôtesse de l'air entre guillemets bien sûr qui n'est pas sans me rappeler James Ensor. Deuxième dessin, deuxième dessinateur et donc je suppose deuxième galerie. On va prendre la galerie Graphem, qui est une petite galerie installée à Paris. J'ai une petite galerie parce que c'est vrai, c'est pas un gros mammouth, c'est une galerie que j'aime beaucoup, et qui va présenter le travail d'une jeune artiste qui s'appelle Léa Barbazange. Et par exemple, Léa Barbazange, elle va nous proposer une œuvre qui est assez incroyable et moi qui me plaît beaucoup. C'est une sorte de dessin fait de 2 éléments, l'un organique et l'autre qui est la reproduction de cette figure organique. La figure organique, qu'est-ce que c'est? C'est un filet, comme on peut les sortir lorsqu'on épluche une orange ou une mandarine. Et vous savez, entre la peau et le fruit, il y a ces filets comme ça. Et elle était fascinée par ces éléments qui dessinent comme de la dentelle. Donc, elle a complètement posé sur une feuille de papier tout un jeu de filaments comme cela. Et elle réplique sur une autre feuille à côté, le dessin de du fruit. Et c'est assez impressionnant. Je rappelle que vous pouvez bien sûr découvrir ce dessin à la page de l'émission L'autre jour est possible sur franceculture.fr. Oui, pardon, Philippe Piguet. Et oui, ce qui est intéressant avec ce genre de dessin, c'est qu'on est dans des recherches justement qui sont à la fois plastiques, des recherches de protocoles de travail, mais finalement qui débouchent toujours sur un moment où il y a la main qui va venir faire un trait. Et ça, c'est le dessin. Et enfin, pour terminer, un dessin de Clément Bagot. Un dessin de Clément Bagot, tout à fait, à la galerie Eva Aubert. Alors, Clément Bagot, c'est un artiste qui dessine et qui sculpte. Côté dessin, on est du côté d'un dessin que l'on pourrait dire un peu dans une veine surréalisante. Non pas de l'écriture automatique, mais d'une écriture laborieuse, minimale, qui vient comme décrire des figures abstraites de linéaments géologiques dans un détail, mais incroyable, fait au feutre ou à la gouache blanche sur du papier noir. Et ça nous donne une image qui tient de quelque chose, d'une espèce de cartographie. Mais ce n'est pas une cartographie d'un paysage, c'est peut-être une cartographie de la mémoire. Ah, qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Eh bien parce qu'on est dans ces diverticules subtils que l'on peut imaginer être ceux que nous avons dans le crâne. C'est quoi un beau dessin pour vous, Philippe Piguet ? C'est un dessin qui vous intrigue, qui vous questionne ou qui vous plaît ? Et encore, ça veut dire quoi ? Un dessin Alors je prendrai d'abord le mot intrigue. Parce que je répète toujours, et je vais le faire encore une fois, que j'ai appris d'une très grande dame de ce monde de l'art qui était Madame Suzanne Paget, ancienne directrice de Musée d'art moderne de la ville de Paris. Je lui demandais un jour, mais qu'est-ce que le visiteur peut attendre de la visite de ton musée ? Elle m'a répondu du tac au tac qu'il n'en sorte pas indemne. Moi, d'une relation avec une œuvre, comme d'une relation avec un être humain, je ne veux pas en sortir indemne parce que je veux grandir. Et souvent, vos interprétations de dessins, ce sont des interprétations que vous partagez avec d'autres personnes, ou c'est toujours très personnel ce qu'on pense d'un dessin, Philippe Piguet ? Ce que l'on pense d'un dessin est toujours d'abord très personnel. Oui, on parle du dessin contemporain, bien sûr. Bien sûr, et toujours très personnel. Et le bonheur, c'est de se retrouver dans une convergence avec d'autres personnes qui ont pensé dans la même direction, mais avec un petit décalage sur le côté qui va nourrir votre propre interprétation. Alors demain, ce sont les galeries qui seront présentes en force au Carré du Temple pour ce salon du dessin contemporain. J'espère qu'il y aura aussi juste des amateurs de dessin. Il y en a plein. Ouais. Il y en a plein parce que le dessin, ça rallie beaucoup de monde. Ça rallie beaucoup de monde, comme je le disais dès le début, c'est un vecteur qui est de proximité et le succès du salon est là pour témoigner que finalement, on attire beaucoup de gens qui sont parfois des gens, évidemment, très compétents dans le monde de l'art contemporain, mais souvent aussi des gens qui viennent chercher simplement une émotion. Merci beaucoup Philippe Piguet. Je vous laisse faire le générique de fin de l'émission, c'est une habitude. C'était un autre jour est possible, votre réveil culturel, tous les matins à 6h sur France Culture, ou quand vous voulez à l'écoute en ligne ou le podcast disponible en quelques clics en passant par franceculture.fr. Un autre jour est possible, c'est une émission de Tefik Hakem, réalisée par Thomas Duterre, avec la collaboration d'Anaïs Isbert, Pascaline Bonnet, Emmanuel Couturier. Merci beaucoup. Demain, on se retrouve à la même heure pour la suite de notre série consacrée aux femmes du polar, des femmes fondues au noir en compagnie d'Hélène Amalric. Et en deuxième partie, nous irons à Marseille pour parler des quartiers nord, mais aussi des habitants des autres quartiers de Marseille. Bonne journée sur France Culture et à demain. Merci Philippe Piguet d'être passé ce matin. Merci à vous.